vent glisse sur les feuilles, murmure des secrets, les pas s'enfoncent marquant la terre humide. Riders Kill avance, silhouette dans la pénombre, sous les arbres le jour lutte contre l'ombre. Les racines s'entrelacent, pièges silencieux, la base s'éveille au son des murmures nerveux. Les veilleuses chantent cœur d'espoir et de foi sur Twitch, la lumière dans ses codes et drape en émoi. Les voix s'élèvent, bénissant la nuit, chant gospel pour apaiser l'ennemi qui fuit. Riders Kill tient ferme, arme en main prête, dans chaque note la force discrète. Marche des ombres, feu secret, nos voix s'unissent jamais muettes. Riders Kill guide la troupe en marche, sur Twitch les drops éclairent la tâche. Forêt profonde, réfugié de piège, notre foi mais jamais ne fléchit pas. Les voix s'unissent, hymne de bataille. Riders Kill avance, inébranlable sans faille. On reconstruit pierre après pierre. Sur Twitch, la communauté se sert. Chaque note, une prière, un regard. Un souffle rauque monte dans l'air, le cœur s'emballe, la force éclaire. La marche reprend, l'aube est proche. Riders Kill sourit, prêt pour la lutte farouche. Sabots bat, terre tremble sous nos pieds. On repart parlant déterminé. Sur Twitch, les yeux brillent dans la nuit. Mais dans chaque cœur brûle un défi. Riders Kill veille, âme de guerrier. Sur Twitch, la légende vient de naître. Les feuilles frémissent, la tension danse, mais la foi persiste, douce romance. Riders Kill lève l'épée des filancés, sous la canopée la guerre est lancée. Une torche flambe, chaque place. Riders Kill